La frappe Hezl enfoiré, ça vient du même secteur. C'est pas du cinéma, nous on baise l'inspecteur. C'est pas des collégiens, on se fait rare comme des Norvégiens. Viens pas nous contredire, on va rentrer en guerre. Je peux rentrer chez ta mère, une histoire légendaire. Ici tout est carré comme le nord de la Corée. Les keufs t'allument ta mère et ils se font décorer. Nique les balances, ils ont collaboré. J'organise un départ tout seul dans la forêt, je vais même pas la fourrer. Je prends mon truc avec moi pour mieux l'inaugurer. Maroki 43, Uniza Guruma, tu sais qu'on est coriace et surveille ton thorax. Au placard ça progresse, les coups de filet qui passent, JP joue la relax. Il va nous baiser au comique, on est frastésé. Le rap est nos vies, c'est du freestyle. Il va nous baiser au comique, on est frastésé. J'en rêvais de l'oseille, maintenant faut que je taille. Même secteur, on a la moule dans le même secteur. On reste dans l'esprit dans le même secteur. On a la moula dans le même secteur. On reste en esprit dans le même secteur. ORG sablier, plus un gramme dans le sablier. On a perdu des frères en tirant Célesté ou l'Iran. Un pack de balles dans l'épaule, couteau dans le dos, j'en rigole. Je suis un rappeur, pas une icône, j'incite pas à rouler le cône. Les rondes de bleu parasites, la vente de beurre assasie. Pour le bénéfice t'assassine, rafale sur Kawasaki. Rue de Marseille, 23 ans, je fréquente les mêmes ganaches. Plus de sentiments, pas de sentinelle, criminel et la calache. Bien dans ma cité, c'est là je me suis fait, j'ai les clés. Comme des samouraïs, comme l'avait chanté Shuriken. Grosse émeute 2005, ça ramale le Jelliken. ORG, VNG, là je sais, ils veulent nous baiser au comique, on est frastésés. Le rap est nos vies, c'est du freestyle. Ils veulent nous baiser au comique, on est frastésés. J'en rêvais de l'oseille, maintenant faut que je taille. Même secteur, on a la moula dans le même secteur. On reste en esprit dans le même secteur. On a la moula dans le même secteur. Je suis dans mon secteur, c'est Medellin Cartel, Bouillou m'appelle, je finis à Orgemont sous Jack et Daniel, viens à la sablière, et ça date pas d'hier, nous fais pas de manière, on va te niquer ta mère, 86 billets, mon canon scié, je sais comment le manier, Mani m'a dit un jour qu'il fallait des billets pour toujours être à jour, je suis sur le terrain tout comme un canne sous cours, Artena sa cour cherche une issue de secours. Même secteur, on a la moula dans le même secteur, on reste en esprit dans le même secteur. On a la moula dans le même secteur. On reste en esprit dans le même secteur. Même secteur.